amour, premier amour, premier amour. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous a troublés et fait rêver, fait trembler. Ce premier amour, premier amour, premier amour. Mais l'enfant qu'on est, l'enfant qu'on est resté, frémira toujours au souvenir de cet amour. Et toi que j'aimais, qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait sans moi? Et moi, moi qui t'ai perdu, qu'ai-je fait de plus? Qu'ai-je fait de tant de bonheur? Savions-nous d'ailleurs qu'un premier amour, premier amour, premier amour ne s'oublie jamais? S'oublie jamais, s'oublie jamais, qu'un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Que tous ces baisers, qu'on s'est volé plus que donné, ces gestes innocents nous engageaient pour si longtemps. Non, les enfants d'alors, que nous étions encore, n'ont pas soupçonné tant ils étaient émerveillés qu'un premier amour, leur premier amour.